Bonsoir. Lorsque l'on aborde une question comme les hommes miracles, les personnages, les entités, les phénomènes énergétiques, qui orchestrent complètement l'évolution des humanités, on doit s'attendre nécessairement à voir certains concepts qui nous ont permis jusqu'à date de supporter notre condition d'humain être démoli et se retrouver par terre. Lorsque je dis que l'homme n'a pas de libre arbitre, que l'homme n'a aucun libre arbitre, que l'homme n'a jamais eu de libre arbitre, déjà là, il y a énormément de frustration du point de vue de l'ego, du point de vue de l'âme. Et lorsqu'un individu comprend réellement et s'aperçoit qu'il n'y a pas de libre arbitre, il y a un stress au niveau de l'âme, au niveau de l'ego, un stress psychologique. Dans le séminaire que je donne, j'explique aux gens, et ceux-ci se rendent compte finalement qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et bien souvent, on peut passer une journée. Parce qu'il y a énormément d'ego qui reste convaincu, même s'ils voient clair. Ils veulent avoir un libre arbitre. On n'a qu'à se demander si on a exactement le corps que l'on veut, si on est passé par la vie que l'on voulait, si on a le travail, si on a le compte en banque que l'on veut, si on a la sécurité que l'on veut. Donc, il n'y a pas de guerre mondiale possible, donc il n'y a pas de récession possible, donc il n'y a pas de crise possible. Et à travers toute cette mécanicité, on peut prendre conscience qu'effectivement, tout ce que l'être humain veut, il ne l'a pas. Certaines personnes naissent handicapées, d'autres meurent jeunes, d'autres sont malades. Personne ne demande la maladie. Personne ne demande l'accident. Personne ne demande tout ce qu'il veut fuir. Et l'humain ne veut évoluer que pour fuir la souffrance. Et dans son évolution, qui est une fuite de la souffrance, l'homme n'atteint jamais son but parce qu'il passe sa vie à rechercher l'évolution. On pose une question, on n'a pas la réponse. Je disais la semaine dernière que l'on peut juger, considérer le degré de conscientisation d'un être humain à partir de la dose d'ignorance qu'il peut supporter. Pas à partir de son ignorance, à partir de la dose d'ignorance qu'il est capable de supporter. Lorsqu'un être humain est capable de se poser des questions et que malgré les questions, sans les réponses, il est capable de continuer à vivre sans stress, là est son degré de conscientisation, son degré d'évolution. L'être humain n'a pas de libre arbitre. Il ne peut même pas discerner le bien du mal. Il ne discerne le bien du mal qu'après avoir accompli un acte. Il n'a pas la faculté de le discerner avant. Les seules fois que l'homme, la femme ou l'enfant discerne le bien du mal avant, c'est lorsque l'on lui a appris et on n'apprend que par l'expérience. Jamais homme sur cette planète, femme ou enfant, n'a su avant d'apprendre par l'éducation ou par l'expérience si une chose était bonne ou mauvaise. Seule la conséquence de son acte vient l'instruire. Il n'a pas le discernement entre le bien et le mal, et il n'a pas le libre arbitre pour savoir s'il doit faire bien ou mal, parce qu'il ne peut pas discerner. À travers cette évolution d'humanité, l'homme, malgré qu'il a inventé suffisamment de façons de se détruire, n'y est pas parvenu. Il a réussi, et c'est le seul, il a réussi à exterminer des races d'animaux et il n'est pas parvenu à exterminer des races d'hommes. Malgré l'inconscience de l'homme, malgré l'inconsistance de sa démarche, une science technologique est apparue dans l'homme, un confort, un luxe, une démarche de conscience de plus en plus grandissante. Et malgré tout ce que l'être humain a fait dans le passé, il est toujours présent sur la planète et ce n'est pas grâce à lui. Lorsqu'à un moment donné, certaines choses devaient être changées à l'échelle du monde de la mort, le ciel qui entoure notre planète Terre, et qui est incrusté dans l'atmosphère. L'homme avait la possibilité de mélanger les races. Mais l'homme était raciste par sa psychologie. Alors des guerres sont nécessaires. La dernière grande guerre a poussé une grande partie de certains continents à se déplacer vers l'Amérique, mélangeant ici leur sang pour engendrer une race biologique plus solide qui permettrait et qui permet et qui permettra le contact entre la matière biologique de l'homme et une conscience nouvelle, une conscience supramentale, une conscience instantanée qui refuse la tradition, qui est capable d'oublier le passé et qui parviendra à être capable de se souvenir du futur. Adolf Hitler était en train de gagner la guerre. Ses savants faisaient des recherches dans le but d'inventer, de construire une bombe nucléaire. Ses savants étaient géniaux dans tous les domaines, mais du point de vue nucléaire, ils ont été mal orientés. Leur intuition, là, n'avait pas été bonne. Par contre, un juif allemand, Albert Einstein, ainsi que plusieurs autres Américains, eux, ont été intuitivement lancés dans le bon chemin. Lorsque, en Normandie, les Alliés débarquent, ils sont en train de perdre. Et la seule chose qui peut les éliminer est presque à leur porte. Les divisions Panzers, les chars d'assaut allemands. Ils ne sont pas loin. Mais pour bouger les divisions de Panzers, on doit avoir une autorisation explicite du Führer. Et cette nuit-là, le Führer a pris un cachet pour dormir et on n'arrive pas à le réveiller. L'Allemagne perd la guerre. Il y a toujours eu des recteurs de société, des recteurs d'humanité, des contingences qui manipulent à l'échelle mondiale l'évolution de l'homme. Pour que l'homme puisse supporter sa condition d'esclave-maître ou de maître-esclave, de créateur conditionné à obéir à ce qu'il crée, on instaure chez lui des archétypes, un mensonge cosmique, en l'occurrence le libre-arbitre. Et pour bien consolider dans la conscience de l'homme le libre-arbitre, on vient implanter dans sa psychologie le concept de la culpabilité. Tu as mal agi. Et tant que l'homme prend son énergie à la consumer dans la culpabilité, il ne comprend pas qu'il est manipulé. Le rôle fondamental de l'homme est de bloquer l'évolution expansive de l'univers. Théologiquement, dans l'Antiquité, on disait que le rôle fondamental de l'homme était de revenir vers son Créateur. Si tous les humains reviennent vers le Créateur, nécessairement il n'y aura plus d'humains dans la création. Si la Terre a été placée pour que l'humain puisse l'habiter pendant, en attendant qu'il retourne vers le Créateur, lorsqu'il sera retourné, nécessairement la Terre n'aura plus de raison d'être. C'était l'explication théologico-émotive du passé. Lorsque l'homme aura accompli sa tâche, l'univers n'aura jamais existé. L'homme a même réussi. Il a fini, il a terminé son rôle. Chacun d'entre les humains qui ont marché sur la planète Terre, qui marchent et qui marcheront, ont terminé. Mais dans cette création qui contient des super-univers, des univers, des galaxies, des systèmes solaires, des systèmes planétaires, des consciences, il y a un problème majeur, le temps. Dans l'Antiquité, certaines personnes ont avancé l'idée que le temps n'existait pas, que le temps était une illusion. Lorsqu'une personne observe un chronomètre, il peut dire « il est 5 heures ». Mais à l'instant où il le dit, c'est déjà faux. Si une personne essaie de dire « il est 5 heures, 23 minutes et 4, 5, 6, 7, 8 secondes, 9 », et je ne parle pas des centièmes et des millièmes, il n'arriverait même pas à dire le temps, que déjà le temps serait passé. Le temps existe dans la conscience de l'homme que parce que l'homme a de la mémoire. Et la mémoire, elle existe toujours dans l'instantané, même si elle représente une chose qui n'existe plus, qui a existé. Lorsque l'on observe une photo, la photo, elle est existante actuellement, même si elle peut représenter des choses qui ont existé il y a 30 ans. Le voyage dans le temps est un phénomène possible étant donné que c'est un voyage dans l'instantané. Mais là où la conscience de l'homme veut jouer, là, l'apparence de la réalité naît. Il y a eu un début à cette création, et le début n'est mesurable qu'à partir de l'établissement du temps dans la création. C'est-à-dire que l'homme, la science d'aujourd'hui, peut prétendre que l'univers a 14 milliards d'années. Le chiffre est inexact, mais prétend, disons, que l'univers a 14 milliards d'années. Mais il faut faire attention, cette temporalisation, elle est faite à partir de l'étape actuelle de notre planète vers sa création. Mais on n'a pas d'idée du temps à l'extérieur. C'est-à-dire que l'univers, du point de vue de lui-même, a été créé il y a 14 milliards d'années, mais du point de vue de l'extérieur de la création, ça fait combien de temps que nous sommes là? Nous avons été créés en quelles circonstances temporelles? À l'extérieur du phénomène créationnel, il n'y a pas de temps. De ce fait, la question ne se pose pas. Ce que l'homme doit comprendre, c'est que ce qu'il a à jouer comme rôle est accompli. Il est venu au monde dans un système créationnel. Il a été effusé de dimension en dimension jusqu'à un point culminant de densité où 13 dimensions créationnelles sont fusionnées dans 4 dimensions que nous connaissons, la hauteur, la largeur, la profondeur et le temps. À partir de ce principe, l'homme doit revenir vers ce centre source, vers ce point créationnel. Mais l'homme y est déjà parvenu. Il reste derrière lui la trace de son passage. Et nous sommes la trace de son passage. L'humanité actuelle, comme les humanités antérieures et prochaines, ne sont que la mémoire du futur. De ce fait, nous avons dans cette mémoire la mémoire de la conscience. Mémoire de la conscience qui transparaît chez l'homme par l'éducation, par la culture. Il doit apprendre et stocker de la mémoire, ce qui génère chez lui un plan de conscience particulier et lui permet une réflexion de pensée. Et le problème, c'est que l'homme, la femme et l'enfant n'ont pas la faculté de libre-arbitre, ils ne peuvent pas intentionnaliser des actes, ils ne peuvent pas être conséquentiels en ce sens, qu'ils ne peuvent pas décider de la pluie et du beau temps, ils ne peuvent pas décider de l'heure de leur vieillissement, ils ne peuvent pas décider de rajeunir, ils n'ont aucune décision à prendre parce que celui dont vous êtes la mémoire a déjà pris les décisions et lui, il a fini sa tâche. Je ne peux pas décider de me lever si celui dont je suis la mémoire, un jour, a décidé de rester assis. De ce fait, l'être humain, du point de vue de l'ego, souffre énormément parce qu'il se sent continuellement le jeu d'une destinée. La majorité de ceux qui ne croient pas à la destinée se font quand même faire des cartes astrologiques, se font tirer aux cartes, bref, veulent connaître leur avenir, leur destinée. Nous sommes la mémoire de ce que nous avons déjà fait. De ce fait, nous ne pouvons rien changer aux choses. Et c'est pourquoi la conscience qui reste dans la mémoire, finalement, n'arrive jamais à expliquer l'intelligence de la mécanique, l'intelligence des choses. Et elle dit toujours, « Avoir su, j'aurais. » Les décisions que vous prenez, vous les avez déjà prises. Le chemin que vous parcourez, vous l'avez déjà parcouru. Et vous avez abouti. Sauf que dans cette création, il y a le temps et l'espace. Et la friction du temps et de l'espace engendre une perception que l'on appelle la vitesse. Et dans tout phénomène spatio-temporel, il y a une limite dans la vitesse. Et la limite planétaire de la vitesse est 299 792 km à la seconde. C'est la vitesse de la lumière. Et ça engendre un problème majeur. Si, et essayons de faire ce travail. Je vais me lever, on va voir mieux. Si nous prenons, nous arrivons à inventer, à imaginer une tige de métal qui mesure 1000 km de long. Si une personne à l'opposé de ma tige pousse la tige, est-ce que l'extrémité là-bas va bouger en même temps que celle de là-bas? Est-ce qu'instantanément, l'extrémité qui est là va se tasser parce que nous poussons l'autre bout? Non. La tige sera comprimée et à près de 300 000 km à la seconde, l'événement sera communiqué à l'autre bout et là, elle se tassera. Sur 1000 km, à 300 000 km à la seconde, ça ne paraît pas. La compression du mouvement ne paraît pas. Si nous avons une tige qui mesure 300 000 km de long, lorsque une personne la pousse à l'autre bout, ça va prendre une seconde avant que l'autre extrémité daigne bien bouger. Si nous avons une tige qui mesure une année-lumière, c'est-à-dire la distance que va parcourir la lumière à 300 000 km à la seconde en un an, si quelqu'un pousse la tige, un an après, l'extrémité va bouger. Plus nous sommes grands, plus cette perturbation du manque d'instantané va engendrer une mémoire et va engendrer une perception du passé. À l'échelle cosmique, si nous parlons de 15 milliards d'années-lumière pour un diamètre d'un univers, cela veut dire que lorsque quelque chose bouge dans l'univers, sa vitesse de conscience à travers ces quatre dimensions engendrera une perturbation, un étirement, un manque d'instantanéité qui s'accroissera au fur et à mesure du déplacement de la chose précurseur, et cela va engendrer un décalement, et nous faisons partie du décalement. Pour mieux comprendre, nous allons imaginer 25 automobiles qui attendent à un feu rouge. Le feu passe au vert, la première automobile décide qu'on avance. C'est elle qui intentionnalise le déplacement des autres. Aucune ne peut bouger si la première ne bouge pas. Mais la première va partir et ça va prendre combien de temps avant que le dernier zigoto daigne bien décoller? Avez-vous remarqué que lorsqu'il y avait beaucoup de trafic, c'est lorsque le feu est au rouge qu'on avance? Rarement lorsqu'il est au vert. Et si vous n'avez pas remarqué, observez bien. S'il y a beaucoup d'automobiles, quand c'est rouge, on avance. Il tombe au vert, on arrête. Il tombe au rouge, on avance. Pourquoi? Il tombe au vert, les premiers véhicules partent. Mais avant que la communication de ce mécanisme arrive aux autres, ça passe au rouge. Comme il n'y a plus de char en avant, il y a de la place maintenant, on avance sur le feu rouge. Les autos arrêtent au feu rouge, et lorsque le dernier arrête, elle tombe au vert. Le premier qui est arrêté depuis 30 secondes part. Cela engendre un phénomène intéressant. Cela engendre un décalement de l'évolution, un décalement de l'instantané à travers un phénomène temporel qui peut être courbé et qui peut être étiré. Lorsque j'ai annoncé que l'homme n'avait pas de libre arbitre, j'ai perdu la moitié de la clientèle. Je savais qu'ils seraient manipulés par cette information, et vu qu'ils n'ont pas de libre arbitre, nécessairement, ils ont été obligés d'écouter leur manipulation. Ils ne sont pas revenus. Lorsque l'homme est attiré quelque part, il a tellement d'ego qu'il dit, « Tiens, je vais aller là. » Et par la suite, il se dit, « Comment j'ai pu faire pour décider d'aller là? » Tu n'as pas décidé d'aller là. Tu es allé là. Nous sommes la mémoire du futur. L'évolution consiste à oublier le passé et à se rappeler l'avenir. C'est l'évolution. Et c'est pourquoi la mémoire de l'homme a tant vénéré les personnages qui apparemment connaissaient l'avenir, ceux qui se rappelaient le futur. Et l'humanité a aussi tant vénéré ceux qui oubliaient le passé, qui ne se rappelaient pas le passé et qui, de ce fait, ne pouvaient pas souffrir d'être passé. Je perds quelqu'un que j'aime, vu que j'ai oublié que je l'ai connu, je n'en souffre pas. On va dire que ce n'est pas humain. Non, c'est divin. L'homme, par contre, se rappelle son passé, mais il oublie souvent ce qu'il voulait faire. De temps en temps, à chaque quelques 12 000 années, l'évolution de la mémoire, disons l'évolution de l'homme, arrive à un degré où le temps, l'espace-temps, peut être courbé, où l'évolution peut prendre un avancement, peut être catapultée vers l'instantané. C'est-à-dire que l'humanité arrive dans un endroit de cette création où peuvent intervenir des phénomènes que l'ésotérisme appelle Melchisedec, que j'appelle catalyseur d'évolution ou courbeur de temps. Ce sont des hommes miracles. Il arrive aussi que lorsque ces temps arrivent, il arrive des choses, il y a des protecteurs de la mémoire qui commencent à intervenir. Ils portent le nom théologique d'archange. Ils ont toujours été reconnus comme des messagers. Ils viennent dire à certains hommes ce qui va arriver. Ils préservent la mémoire de l'avenir et nécessairement, ils connaissent ce qui a déjà été fait et qui, pour nous, sera fait. Et il y a aussi des avatars qui apparaissent, qui naissent, qui se réincarnent. Les avatars sont le sentier de l'oubli qui amène l'humain à oublier le passé pour se rappeler l'avenir. Nécessairement, chaque fois qu'un avatar vient, il doit transformer la tradition, transformer le passé et instruire le passé de choses à venir. Étant donné que l'homme est immémoriel, il vénérera ce passé et à son insu, il vénérera son avenir. D'où l'idée même d'apocalypse. D'où l'idée même de prophétie. L'avatar est le chemin de l'oubli. Oublier la chute. Il n'y a jamais eu de chute en réalité. L'idée de la chute de l'homme a été instruite dans la conscience de l'homme pour que l'homme daigne bien accepter de vivre sur le plan planétaire le temps qu'il puisse régir l'instauration d'un phénomène matériel, le corps physique, qui pourrait à un moment donné allier la matière, très densifiée, à l'intelligence intemporelle. C'est un peu compliqué à comprendre parce que bien souvent l'ego refuse. Qu'est-ce que c'est que l'ego refuse? L'ego qui refuse, c'est un personnage qui ne peut pas accepter de choses neuves. C'est un personnage qui ne peut pas accepter de l'inconnu. C'est nécessairement un personnage qui ne peut vivre sécuritairement qu'avec le connu, avec le passé. C'est un personnage qui est mort. C'est-à-dire que non seulement nous sommes de la mémoire, mais lorsque la conscience qui nous anime en tant que mémoire meurt, c'est-à-dire lorsque nous ne voulons vivre que le bon vieux temps, et quand je parle de bon vieux temps, je peux parler du bon vieux temps de v'là 3000 ans, de v'là 2000 ans. Parce qu'à un moment donné, un jour, Enoch, Moïse, Rama, Orphée, Odin, parce qu'à un moment donné, quelqu'un dans l'Antiquité est passé, il a éternué quelque part, et bien tout le monde se garoche pour aller embrasser la place. C'est un lieu saint. Et pour replacer l'évolution de la mémoire vers l'instantané, De temps en temps, un avatar arrive et il éternue lui aussi. Et maintenant, on laisse les vieux lieux de pèlerinage pour venir maintenant embrasser le nouveau lieu de pèlerinage. Ce qui fait que la conscience mémorielle de l'homme, vu qu'elle se décale elle-même dans le temps, parce qu'il y a beaucoup d'individus sur la planète qui ont une conscience décalée de plusieurs milliers d'années. Ils ont une conscience qui est encore régie, tributaire des lois qui ont été instaurées par des forces légales, des forces géoviques entre autres. Il y a de cela des milliers d'années. Et lorsque l'être humain se laisse régir dans sa conscience par un décalage de milliers d'années, de temps en temps un avatar vient et il recrée quelque chose. Et il doit parler au nom des prophètes, il doit accomplir une prophétie, parce que dans chaque prophétie ancienne, on prévoit l'avenir et on annonce un retour christique, on annonce un Messie, les Juifs l'attendent toujours, on annonce un paquet d'autres personnages dans toutes les théologies du monde. Et lorsque ce personnage vient, il dit être de cette lignée, et il éternue une nouvelle fois, et les humains maintenant adorent les nouveaux éternuements pour oublier les anciens. Cela permet au décalage de la conscience des humanités de regagner les quelques milliers d'années qu'ils ont été décalés pour retrouver la mémoire du corps. Et une fois que l'être humain a la mémoire du corps, il peut maintenant procéder de nouvelle façon. Lorsque l'homme est capable de transcender, de sublimer le décalage de sa conscience et la rajuster au décalage de son corps, il vit maintenant dans la réalité et il peut maintenant bénéficier des nouvelles lois d'évolution. J'ai déjà expliqué que le karma, c'était la malcompréhension ou encore l'assujettissement des lois qui ne nous vont pas. Lorsque Wogabou, un jour, a lancé un os dans les airs, que l'os est tombé sur sa tête, la loi divine interdisait que l'on lance des choses dans le ciel. Lorsque le Wugabou l'a lancé dans les airs et que sa femme l'a ramassé pour aller dîner, là, c'est tombé à terre et maintenant, Dieu acceptait qu'on lance des choses dans le ciel. Ça ne retombait plus sur la tête de celui qui le lançait. Si la personne reste attachée à la tradition du passé, elle continuera à ne pas lancer rien dans le ciel parce qu'elle se rappelle qu'un jour, c'est retombé sur le nez de quelqu'un. Si la personne est capable de faire une évolution du décalage du passé vers l'instant présent de son corps, elle bénéficiera de nouvelles lois. Il y a eu une époque où la loi disait qu'on devait circoncire les mâles. À l'époque, les mâles, comme toujours d'ailleurs, se lavaient moins que les femelles. Et une maladie, la phimosis entre autres, était relativement fréquente. Et cela empêchait les mâles de procréer. Alors une loi vient dire circonciser les mâles. Lorsque les mâles se lavent, circoncisez plus les mâles. Mais lorsqu'on a un décalage de conscience de quelques milliers d'années, on continue à circoncire les mâles. Je ne donne pas de bêtises à personne. J'explique un phénomène. La tradition, elle est là pour supporter le décalage de conscience d'une humanité. Mais la tradition ne fait pas évoluer l'humanité, elle la supporte. Lorsqu'un avatar se présente le nez, il accomplit la tradition de façon à finir la chose et il engendre de nouvelles promesses, il engendre de nouveaux mouvements, il invente, il prophétise et cette prophétie sera tradition jusqu'au jour où elle sera accomplie. Et elle sera accomplie par le retour de l'instigateur. Le rôle de l'avatar, c'est de faire en sorte, à chaque fois qu'il se présente, que l'humanité oublie le passé et reparte maintenant du présent vers l'avenir. Il y a présentement des avatars qui sont sur le plan planétaire. Il y en a toujours eu un majeur à chaque 2000 ans. Il y en a toujours eu plusieurs à la fois, dans différents et sur différents continents et dans différentes ethnies. Il y en a présentement plusieurs qui sont revenus pour la simple raison que la planète Terre n'a jamais supporté autant de corps humains à la fois. L'archange est le gardien de la mémoire. L'archange est le gardien de la mémoire à venir et non pas de la mémoire passée. dans la filée d'automobiles qui attendent de traverser l'intersection, nous sommes la mémoire du premier départ. Et nous sommes pas tout à fait dans la queue, mais presque. L'archange est là pour que l'homme se rappelle l'avenir. L'archange peut évidemment faciliter son travail par l'intermédiaire d'archontes et d'anges. L'archonte est un archange qui dirige et qui conserve la mémoire des nations. L'ange est un phénomène qui préserve la mémoire future de chaque individu. Dans les anges, on retrouve des phénomènes séraphiques, qui veut dire les brûlés. Le séraphin est le corps éthérique, le double éthérique, que l'homme est en train de se construire, du point de vue du phénomène temporel. C'est déjà fait, mais par rapport à nous, c'est en train de se faire. Le chérubin est un interpréteur actionnel qui permet à la pensée de l'homme de faire bouger et d'animer le corps physique. L'archange préserve la mémoire future de l'évolution de l'humanité. De ce fait, l'archange gère totalement la destinée de l'homme et l'archange gère totalement tout ce qui, du point de vue de l'ange, sera déterminant dans l'évolution de chaque individu sur le plan de notre planète. De ce fait, lorsque l'être humain a de l'intuition, il a un contact. Il a un contact avec un phénomène séraphique, son double éthérique, ou il a un contact avec un phénomène angélique, la mémoire. Nous sommes partis d'un point et nous sommes revenus à ce point et c'est terminé. Nous compter, nous parler, discuter de ce qui se passe après, ce n'est pas pour l'instant intéressant parce que ça ne changera rien au niveau de la vie de l'homme. Surtout que l'être humain a présentement une conscience quadridimensionnelle, il ne peut pas comprendre un phénomène qui est autrement dimensionné. Mais nous sommes partis, nous sommes revenus, il reste la trace. Et nous sommes présentement, nous, tels que nous voyons aujourd'hui, cette trace. Cela veut dire que merde, bout de plug, je suis une trace quelque part du futur. Et donc, je ne peux pas décider de changer ce futur. Je ne peux donc pas décider quand je me gratte le nez et quand je ne me gratte pas le nez. Parce que le gars avant moi, il a déjà décidé pour moi. Et le gars avant moi, c'est moi, mais moi d'une plénitude tellement pleine que ça ne ressemble pas finalement à ce que je suis présentement. Je suis un vestige de sa conscience en train d'essayer de récupérer son ombre pour la lui ramener parce qu'il l'a oublié, il marchait trop vite. C'est l'homme. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Le temps et l'espace, c'est quelque chose de déformable et d'élastique. L'élasticité est un problème majeur car c'est l'élasticité du temps qui a fait que je me suis retrouvé en arrière. Essayons de comprendre que je suis moi et j'avance tellement vite que des mémoires de moi commencent à se détacher. Elles ressemblent à moi, mais elles se détachent. Un peu comme on peut faire avec la télévision de temps en temps où on voit une danseuse de ballet qui se découpe en plusieurs morceaux et finalement, il y a une danseuse qui est en arrière qui essaie de rattraper l'autre, qui suit le même cheminement. Puis si la première danseuse arrête, lentement, on voit toutes les autres arriver puis arrêter en même temps avec elle. Je ne vous ferai pas une démonstration. Je peux, cela est possible, courber le temps. Et si je courbe le temps, ça veut dire que je m'en vais. Alors, je peux partir d'où je suis parti. J'ai fait le tour dans cette création imbécile, qui est un accident, et je suis revenu. Mais j'ai tellement voyagé rapidement que j'ai laissé un paquet de mémoire de moi-même avec des parcelles de ma conscience. Et je dois maintenant récupérer toutes les parcelles de ma conscience. Et les parcelles de ma conscience ont été archétypées, programmées, et c'est moi et c'est vous, pour que je suive le même cheminement, aidé par les archanges qui préservent le chemin, je devrais finalement arriver là où je suis déjà rendu. Lorsque nous arrivons dans une région temporelle de cette galaxie où nous pouvons courber le temps, il y a un danger majeur, c'est que l'être humain oublie l'avenir et se rappelle le passé. Autrement dit, il y a un danger, c'est que nous recommencions encore une fois ce que nous avons déjà fait. Albert Einstein a déjà dit que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle sera nucléaire. S'il y en a une quatrième, on la fera à coups de roche et de bâton. Et moi, je ne suis pas intéressé de recommencer. Déjà, je suis en retard, ils sont en train de manger là-bas, puis je ne suis pas encore arrivé. Avant qu'il n'en reste plus, je me connais. Parce que si je mange tout, quand je vais arriver, je n'aurai plus rien mangé. Il y a un facteur au niveau des hommes miracles qui s'appelle Melchisédien, Melchisédek, catalyseur d'évolution. Les Melchisédeks, ce sont des êtres humains qui, pendant leur effusion, référence la semaine dernière, qui, pendant leur effusion ou pendant leur fusion planétaire, ont refusé totalement de s'assujettir à des hiérarchies célestes ou cosmiques. Cela veut dire qu'à un moment donné, un archange s'est pointé devant un être humain qui était en train de vivre une fusion avec son double éthérique. La fusion, référence la semaine prochaine. Bon, ça va bien. Et lorsque l'être qui est en état d'effusion ou en état de fusion, lorsque l'homme refuse toute connexion hiérarchique avec ses entités, il est exclu de l'évolution conventionnelle du temps et de l'espace, c'est-à-dire que refusant d'être manipulé par des phénomènes archangéliques ou autres, il oublie le passé et il oublie l'avenir. Alors, il entre dans un phénomène intéressant qui se rapproche du libre-arbitre, mais qui n'en est pas un. Et il ne peut faire autrement, mais ça ne le dérange pas, ça le fait jouir, que d'aider l'humain dans son évolution. Il devient un catalyseur d'évolution, c'est-à-dire qu'il accélère l'évolution de l'homme. Il accélère l'évolution de l'homme comment? Comment pouvons-nous accélérer une chose qui est déjà finie? Voilà. Je suis parti, il y a eu la création, n'est-ce pas, cet accident imbécile, et moi, je suis intentionnellement descendu dedans pour pouvoir la récupérer et la ramener. Bon. Le reste, une autre fois. À travers mon passage, je vais tellement vite, je vais au-delà de la vitesse, je suis instantané, ce qui fait que le temps ne pouvant me supporter, il me mémorise. Me mémorisant, il me conserve. Et je suis une partie de cette mémorisation dans le temps, de moi ayant passé. Lorsque l'on vient me dire que l'homme est un Dieu en potentiel, non. L'homme que nous sommes présentement sur la planète Terre, c'est de la mémoire de Dieu. Mais nécessairement, à la vitesse où nous avançons, nous allons finir par devenir Dieu. On n'a pas le choix. L'évolution n'est pas entre nos mains parce que nous avons déjà pris les décisions. Bon. Mais il reste notre conscience, qui ne comprend pas trop, parce que notre conscience, il en manque des bouts. Tout le reste au complet est parti. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'à travers cette courbure de mon évolution, je peux, dans ma mémoire temporelle, moi, si je suis rendu ici, et je me fous des autres Daniel Kem en avant, c'est le job, je me fous de ceux qui vont souvent en arrière, je m'en balance, moi, je suis rendu quelque part, et si je peux courber le temps, je vais m'en aller directement rejoindre le centre source, c'est-à-dire moi, en tant que plénitude. Je peux courber le temps d'à travers ce phénomène de mémoire, et retourner là où je suis déjà rendu et d'où je viens. Cela se fait exclusivement par l'intermédiaire d'un courbeur de temps qu'on appelle Melchisédek, que j'appelle catalyseur d'évolution. Cela aussi est un homme miracle. Et pourquoi j'appelle ça homme miracle? Parce que ce sont des phénomènes très proches de l'homme ou humain qui, du point de vue des yeux de l'homme, accomplissent des miracles. Alors, je peux... Même si je suis déjà passé par un cheminement très intéressant, étant donné que j'ai la faculté, par l'intermédiaire de phénomènes archangéliques, connaître un peu la substance de ce que j'ai découvert plus tard, je peux jouer avec le temps. Et si je parviens à être suffisamment instantané, voyez, il y a une colonne ici, là. Alors, les personnes qui me perdent de temps en temps, vous vous servez de la mémoire de vos yeux et puis vous allez continuer à me voir. Mais vous ne verrez pas ce que je fais, vous allez voir ce que j'ai fait. Bon. Si je suis apte à devenir instantané, et je le suis, Et vous l'êtes. L'homme est apte à devenir instantané. Mais on a une idée très bizarre de l'instantané. Vous avez déjà essayé une soupe instantanée? Combien ça vous prend de temps à la faire? Pas instantané, pas en tout. Du riz instantané? Café instantané? Instantané veut dire que c'est là. Et si vous voulez que votre café instantané soit là, vous devrez le manger à la cuillère. Parce que sinon, votre café instantané demandera du temps. Il n'y a d'instantané dans le café qui est liquide dans une tasse. Et quel que soit le temps que ça a pris à le faire, quand on le boit, et là, il est instantané. La matière ne peut pas devenir instantanée de par elle-même. La matière, elle l'est, mais sans conscience. L'homme, lui, a la faculté d'échapper au temps. Donc, il échappe au chemin qu'il a déjà suivi. Et il termine ce que nous appelons depuis longtemps dans l'évolution, il termine son ascension. Tout ce que l'homme a à faire dans ce cheminement évolutif, c'est de permettre une courbure de la mémoire. Une courbure de la mémoire qui va faire en sorte que l'homme sera capable d'être instantané. Lorsque l'homme est instantané, il instruit son ego et l'ego devient instantané. L'ego n'est plus mémoriel, l'ego n'existe plus comme le concevant. L'âme est maintenant sublimée. L'âme n'existe plus. Lorsque l'homme est instantané, après avoir instanténisé son âme, lentement c'est le corps qui commence à se rapprocher de l'instantanéité. Lorsque le corps se rapproche de l'instantanéité, il cesse de suivre le chemin prévu par la génétique. Dans la génétique, il y a la mémoire de ce que vous allez être. La génétique se rappelle le futur, parce que la génétique, elle est chérubinique, elle est angélique, donc sous la rection d'un archange. Ceux qui ont développé les photographies kyrielliennes ont constaté que s'ils prenaient la photographie d'une graine, d'un gland, de quelque chose, ils pouvaient voir en même temps dans l'aura de ce phénomène l'arbre en entier, tel qu'il devra être. Lorsque l'homme essaie, et ce que je dis ce soir peut paraître absolument stupide, de toute façon ce n'est pas grave, tellement de choses stupides que ce n'est pas en rajoutant que ça va changer grand-chose. Bon. Mais essayons de donner une explication plausible et supportable à tous les intéressants problèmes de l'humanité. Pouvons-nous changer quelque chose à l'évolution de l'humanité? Chaque fois que l'homme découvre une chose, tiens, c'est pollué. Maintenant, on se conscientise contre la pollution. Pourquoi ne l'avons pas, nous, pas fait avant de polluer? Et parce qu'on ne savait pas que ça polluerait. On le sait après. Le troisième Reich, c'était pas compliqué. Ça prenait 2-3 semaines, puis c'était réglé. On a su après que c'était pour être long. La Première Guerre mondiale, il y a eu une guerre de tranchées en Europe. Absolument stupide. On l'a su après. La majorité des soldats sont morts de maladies typiques des tranchées. Quand vous passez 2-3 mois dans l'eau froide jusqu'à la ceinture, ne veut pas, la partie du bas finit par s'en aller avec l'eau. Ça crée un problème parce que les soldats diminuaient, ils ne peuvent plus tirer. Bon. Quel que soit l'orgueil qui nous habite, et l'orgueil est la mémoire de la conscience que nous avons de la mémoire de notre évolution. L'orgueil, ce n'est rien d'autre que la densification hautement suprême du point de vue astral, donc du point de vue amique, donc du point de vue psychologique, de la conscience que nous avons de notre cheminement dans l'espace-temps. Celui qui chemine à travers les chevaux Lorsqu'on parle de cheval, il sait de quoi on parle. Lorsqu'on traite les gars de cheval de con, il se défend. Et c'est ça, l'ego. À travers cela, l'ego, se rappelant le maître, se rappelant ce qui est passé avant lui et qu'il l'a laissé traîner en arrière, à travers cela, l'ego, se rappelant cela, se rappelle aussi que fondamentalement, ce qui est passé était intentionnel, donc créateur. Il était capable d'engendrer d'une façon non réactionnelle. Il ne réagissait pas. Lorsque l'homme mange, c'est parce qu'il a faim, il réagit. Lorsque l'homme se couche, c'est parce qu'il est fatigué, il réagit. Lorsque l'homme se lève, c'est parce qu'il est couché, il réagit. Quel que soit l'acte qu'un humain fait, ça me pique, je décide de me gratter. Non, non, tu ne te grattes pas quand ça ne te pique pas. Tu te grattes peut-être quand ça ne te pique pas, mais c'est parce que tu es nerveux. Ça te pique au niveau de l'ego. Tout ce qui se passe est réactionnel. Mais l'ego se rappelle d'un phénomène qui est intentionnel, qui n'est pas expérientiel, qui est existentiel, qui n'a pas besoin d'expérimenter. Oui, ça me piquait, je me suis gratté. Et à travers cela, l'ego engendre et s'attache énormément à l'illusion du libre arbitre. C'est lui qui décide. C'est quand même moi, maudit, qui décide de venir ici asseoir. Ceux qui ont reçu des billets gratuits, vous avez été amenés ici. C'est moi qui ai pris la décision de... Non, c'est parce que tout était fait pour que tu viennes. Tu avais le temps, tu avais le goût. Et ceux qui ont payé leur entrée, c'est la même chose. Et ça, c'est la majorité des gens. Mais tout faisait que... La preuve, l'homme est ici. Celui qui décide de ne pas y aller... On peut lui demander, « T'as-tu une raison? » « Oui! » Alors tu réagis à ta raison, mon ami. Ce n'est pas une décision. Est-ce que vous pouvez décider d'aimer une chose? Non, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Est-ce que l'homme décide qu'il est intéressé à... Non. Demandez à ceux qui vont à l'école. Demandez à ceux qui sont écœurés de leur travail. Mais toi, qui a décidé de l'aimer? Facile. L'homme ne peut pas décider. L'homme décide ce qu'il est en train de faire pour cacher l'idée ou cacher la vision réelle qu'il est manipulé. Et lorsque je dis ceci, de toute façon, c'est compréhensible. Le libre-arbitre est une illusion, un mensonge cosmique. Je reviens souvent là-dessus. Comme tout à l'heure, j'expliquais, on peut passer de temps en temps quelques heures au niveau du séminaire à l'expliquer parce que les gens ont de la difficulté à le saisir. Finalement, l'individu arrive à l'intellectualiser, mais l'ego, lui, ne veut pas comprendre. Alors, qu'est-ce que l'individu me dit dans le séminaire quand ça arrive? Il me dit simplement ceci. Il dit, « Ouais, je comprends, mais de quand même y avoir... » Non. Alors, à quoi ça sert un cours? Ça sert à rien. C'est parce que le gars qui est passé avant, il est passé dans le cours. Tu passes dans le cours. Ça sert à rien, ça. Donc, si je ne viendrais pas, j'apprendrais autant. Ça va de soi, si tu ne viens pas, c'est parce que l'autre n'est pas venu. C'est tout. Puis si je viens, c'est pas moi qui décide. Non, si tu viens, c'est parce que tout fait que tu es là. C'est simple. Il y a des humains qui disent qu'on décide quand on veut évoluer. Non. À un moment donné, ça se met à penser là-dedans. Parce que c'est le temps. Puis à un moment donné, il y a des questions, ou il y a des problèmes, ou il y a des ceci, ou tu vois clair des choses. Mais c'est pas toi qui décides. C'est comme la souffrance. L'être humain ne décide pas de souffrir. Mais en réalité, c'est que les décisions ont déjà été prises. Il y a de cela très longtemps. Ça calcule en milliards d'années, si on veut prendre la chronologie de notre translation planétaire autour de notre système solaire, de notre Soleil. Alors, l'être humain a de la conscience, et cette conscience est le seul vestige non mémoriel de celui qui est passé avant et qui était 100% de la conscience et qui, à cette époque, pouvait se prétendre être omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'était pas immortel, il était éternel. Les choses immortelles sont confinées dans le temps. Les choses mortelles sont confinées dans le temps. Et la conscience qui habite l'homme, et nous sommes en train de rattraper de plus en plus des vestiges de conscience que nous avons laissés en arrière de nous. La conscience qui habite l'homme, elle a la faculté maintenant de prendre dessus et de manipuler la mémoire de façon à ce que celle-ci ne suive pas le chemin au complet, coupe son espace-temps par densification énergétique de sa gravité et finalement arrive d'une façon plus ou moins instantanée là où elle est déjà rendue. Cette conscience porte un nom, christique, supramental, Esprit Saint. Les archanges sont des recteurs de masse. Les archanges sont des recteurs de troupeaux. Les archanges sont des recteurs de collectivité. Les archanges font un travail magistral que moi jamais je ne ferai. Les avatars sont là pour diriger les troupeaux. Les avatars sont là pour diriger les masses. Les avatars, le Nazaréen est un. C'est-à-dire qu'il a été avatar, il était autre chose, mais il a aussi été avatar. Bouddha en était un. Zarathoustra, Odin, Rabat. Il y en a un maudit paquet d'autres, mais il y en a d'autres, là, ça date de tellement longtemps que ce n'est pas à peine de les nommer. Ceux-là, on les a encore un peu en mémoire. Orphée aussi en est un. L'avatar, il est là pour que l'homme oublie le passé. Que l'homme se rappelle de l'avenir, et comme l'homme n'a pas la faculté de conscientiser ce que peut être l'avenir, étant donné que l'être humain ne conscientise le temps qu'à partir de ce qu'il a mémorisé, de ce que l'âme, de ce que l'ego conserve, on ne peut amener à l'homme l'avenir qu'à travers ce que nous appelons des prophéties. Pas prédire l'avenir, prophétiser. Et lorsque l'on prophétise, la masse accepte. Mais elle doit reconnaître là une divinité ou un messager. Il y a un autre chemin que celui des avatars et que celui des archanges. Si à un moment donné, un avatar se présente devant vous, aucun problème. S'il vous dit « grattez-vous », vous vous grattez. Puis une fois qu'il est parti, bien, vous cessez de vous gratter. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande à certains humains d'avoir la faculté de se supporter eux-mêmes et de cesser de vouloir être supportés par la mémoire du futur, qu'ils appellent prophétie, et de cesser de vouloir se reconnaître dans la mémoire du passé, qui est un phénomène qu'ils trimballent avec eux. Chaque fois que nous voulons évoluer à partir de notre passé, c'est comme si nous voulons, avant d'avancer notre automobile, attendre les autres. Et nécessairement, on va avancer lentement, pas mal plus lentement. Mais c'est le chemin de celui qui n'a pas la faculté de se conscientiser. Et la majorité des êtres humains qui habitent l'échelle nord planétaire, en l'occurrence le bouclier canadien, en l'occurrence le Québec, sont des êtres humains qui ont la faculté de devenir instantanés. Cela veut dire, sans qu'ils comprennent nécessairement ce qu'ils vont faire, ils ont la faculté de travailler avec un ordre melchisédien et de courber le temps. S'il y a un apocalypse, c'est que beaucoup d'humains ont déjà passé par là. Peut-être que moi-même, j'ai déjà passé par là. Mais le moi-même qui reste en arrière, qui n'a pas encore passé dedans, ne passera pas dedans. Ce n'est pas une fuite, je sauve du temps. Dans la mémoire du futur, la prophétie, il y a ce que nous avons fait à l'état de conscience. Dans la mémoire du passé, il y a ce que nous avons fait, mais la conscience n'y est plus. Et dans l'instantané où nous nous retrouvons, nous sommes confinés à être placés sur une trame où nous ne pouvons pas aller en arrière. Et inexorablement, nous fonçons vers l'avant, alors que tout ce qui se trouve en avant n'est pas décisionnel de notre part. Nous ne pouvons qu'accomplir. Vous n'avez pas connu de guerre. Ceux qui ont déjà vécu des guerres ne l'avaient pourtant pas décidé. Et le libre-arbitre, il partait avec la fumée des bombes. Il y a à un moment donné un bombardier américain qui vole et qui largue des bombes. Ils sont plusieurs bombardiers et ça largue des bombes. Et il y a un coquin qui a décidé de mettre un appareil photo pour prendre une photo des bombes qui tombent. Ils ont développé les photos et ils ont vu une bombe qui tombait. Il y avait un bombardier en dessous, un bombardier américain. Et là, il a su que lui-même avait bombardé un bombardier américain. Les deux avions étaient un en dessous de l'autre. Les barbitres, qui? Ceux d'en haut ou ceux d'en bas avaient décidé ça? Si ceux d'en haut ont décidé ça, ceux d'en bas n'ont pas de libre-arbitre. Si c'est ceux d'en bas, ceux d'en haut n'en ont pas non plus. Parce que leur bombe devait toucher terre, ils ont touché un bombardier. Le libre-arbitre, on ne peut pas prouver qu'il existe, mais on peut facilement prouver qu'il n'existe pas. Nous sommes placés dans un endroit où il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'avenir. Même si les avatars vont passer pour amener l'humanité là-dedans, il n'y a pas d'avenir, même si les archanges le préservent. Il n'y a pas de passé. Il y a nous. Nous, avec, dans notre conscience, les mémoires de choses que nous ne pouvons pas toucher. Et avec, dans notre conscience, les mémoires de choses que nous n'allons pas changer. Il y a dans l'humanité deux êtres humains. Les deux sont assis. Il y en a un qui se dit, ben il faut travailler pour pouvoir se lever. Les deux sont attachés. Alors, il y en a un qui commence, qui tripote, puis qui farce, puis qui oui donc, puis qui tire, puis qui toupe, qui marche. Et après 10 ans de travail, ça y est! Puis l'autre qui a dormi pendant 10 ans, ça y est! Ben oui, parce que c'était le temps que les ceintures se détachent. Il y en a un qui va dire, c'est celui qui a forcé pendant 10 ans, ça ne voit pas l'autre, il va dire, c'est grâce à mon travail. Puis l'autre, il dit, bon, ben c'est le temps. Il y a le sage qui agit quand c'est le temps. Il y a le travailleur qui, s'il n'est pas motivé par le travail, restera assis alors que les ceintures seront elles-mêmes disparues. Ça crée un problème. La majorité des humains se doivent de mettre de l'effort dans leur vie. Parce que c'est la seule façon qu'ils ont pour découvrir que c'est le temps. Sinon, ils ne feront rien, ils ne verront pas que c'est le temps. Et on a d'autres personnes qui sont dans une attente active, une disponibilité non émotive, où l'espoir est banni. Et à un moment donné, bien, ils viennent pour se lever, ça ne marche pas. Ils attendent. Ils viennent pour se lever, ça se lève. Et voilà. Ils n'ont pas de mérite. Ils n'ont pas souffert non plus. Et il y a d'autres humains qui doivent et qui vont, qui peuvent, d'autres mémoires, entreprendre un phénomène prévu par celui qui est passé en premier, celle du cheminement courbé, l'instantanéité. Lorsque moi je parle de l'homme nouveau, je parle d'un être humain qui vit d'un savoir instantané. Cela veut dire qui est. Il ne sera pas, il n'a pas été, il est. Alors, il voit le monde comme le monde est. Un arbre, c'est un arbre. Un nuage, c'est un nuage. Une fleur, c'est une fleur. Ça ne peut pas être beau parce que je ne peux pas la comparer. Je ne peux pas la comparer parce que dans ma mémoire, il n'y a pas de fleur. Alors, l'homme va dire, oui, mais c'est une vie drôlement plate. Plus d'émotions, plus de... Non, plus d'émotions. Dans l'instantané, il ne peut pas y avoir d'émotion. Dans l'instantané, il y a du sentiment. Il y a de la perception. Mais dans l'instantané, il ne peut pas y avoir un désir de perception. Un jour, j'ai vu un coucher de soleil. C'était un coucher de soleil. Un jour, je vois un coucher de soleil et je dis, il est plus beau. C'est de l'émotion. Un jour, je vois un coucher de soleil et je dis, eh, il est laid. Et c'est aussi de l'émotion. À travers cela, je souffre, j'ai de l'espoir et je suis le chemin que j'ai déjà passé, que j'ai déjà fait. La deuxième partie, c'est une période de questions. On les écrit de façon à ce que je puisse les lire pour que ce soit enregistré. Des questions sur le sujet de ce soir ou sur n'importe quoi? Petite pause de 20 minutes.